Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pour qui sentis cette attraction sexuelle affective? Oh, pour d'autres femmes. Elle deja de ser mujer, pour eso? La santé. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Et bonjour les auditeuristes. Du coup, je vous retrouve pour un autre épisode culturel, le deuxième, qu'on va appeler... culture 2 avec le cul de queer, encore une fois, parce que j'ai pas trop d'imagination, mais c'est pas grave. Donc j'ai essayé de réfléchir sur quoi je pouvais, ce dont je pouvais vous parler cette fois. Alors bah, en termes d'actu un peu local, je suis allée voir la pièce Echo au TNBA. Bah, à la fois c'était très lent et long, et je pense que ayant des problèmes de dos sur les sièges pas très confortables du TNBA, c'est assez compliqué. Mais après, la démarche, enfin, même si je pense pas que ça me touche vraiment d'un point de vue, on va dire, sincère, etc., parce que c'est pas mon environnement, c'est pas une thématique qui me parle énormément, si je sors de mon strict point de vue sujet, oui, je reconnais que c'est une pièce qui a une démarche hyper intéressante, etc., qui m'est pas forcément destinée. La comédienne, c'est Vanessa E. Campomala, et qui est donc une metteuse en scène, une personne trans qui a aussi des origines laotiennes. Et c'est la première œuvre que je vois. Apparemment, c'est une super directrice, actrice et metteuse en scène et dramaturge. Donc là, ça parle d'Echo. Donc Echo, c'est le personnage qui est tombé amoureuse de Narcisse et qui, par désespoir, Narcisse n'aimant que lui-même à se regarder dans le ruisseau, là, est morte de désespoir. Et sa malédiction, en gros, c'était de devenir l'écho des autres personnes et s'échanger en pierre noire. Je crois que c'est ça, la mythologie d'Ovide. Et en fait, à partir de ça, Vanassai réfléchit. Donc ça, c'est le tir du bord de scène qui a été fait juste après la pièce. En fait, Vanessa nous a eu envie de raconter cette histoire à partir d'un chagrin d'amour qu'elle a vécu pendant 25 ans. Il l'a amenée jusqu'à avoir des envies suicidaires. Et elle a essayé de se raccrocher là où elle pouvait, de trouver des réponses dans du coup, la culture du théâtre, la littérature, du théâtre antique au théâtre et à la littérature contemporaine. Et en fait, tout ce qui est romantisme est quand même très vu en Occident, est très fabriqué sur au prisme de la fatalité et de la tragédie, donc plutôt à renforcer dans un aspect funeste et très dépressif, à l'instar des références culturelles dont on continue d'être entouré, donc qui font du chagrin d'amour vraiment quelque chose de tellement totalisant, enfin de l'amour en tant que tel, l'amour romantique déjà tellement quelque chose de totalisant auquel on doit aspirer, tout donner, etc., qui du coup broie réellement les êtres humains. Et donc c'était un peu une critique de ça, et donc elle allie à la fois la vidéo, la mise en scène, le chant, et s'intéresse aussi à d'autres formes, enfin essaie de réécrire ce mythe en incarnant elle-même le personnage d'Echo, inspiré donc avec des références à sa propre vie à elle, et avec donc trois autres actrices comédiennes qui interviennent sur scène. Quand elle est mise en terre, etc. Mais en gros, le but de cette pièce, c'était vraiment d'insuffler, d'ouvrir d'autres perspectives, et aussi en convoquant des mythes hors Occident qui n'ont pas forcément cette même vision, du coup, très linéaire et très fataliste de l'amour et du chagrin d'amour. Et là-dessus, dans une société occidentale encore hyper dominée par ce mythe d'amour romantique et qui essaye de tout justifier par ça, y compris la structure enfin le pouvoir, les biens matériels, la légitimité à être connue en tant que couple, etc. En tant que couple surtout hétérosexuel, mais bon, ça s'ouvre un peu, mais ça reste de base une cellule hétéronormative bourgeoise construite et tout autour de cet amour romantique totalisant qui en fait annihile toute création, toute révolution, parce que nous enferme dans un espèce de volonté individualiste de juste trouver soi-disant l'être aimé qui nous manque et d'avoir pour seul horizon voilà, de construire une vie avec une personne. Et quand tout ça s'effondre, eh bien, il y a peu d'autres ressources et d'autres choses sur lesquelles grandir. Donc voilà, intéressant. Et puis par, je pense, la mise en scène... aussi donc avec une écriture en direct, c'est la première fois que je voyais ça sur un écran du coup à l'arrière-scène qui fait directement des références à tout un tas d'autres mythes et à la culture littéraire occidentale et non occidentale. Bah, je pense que c'est important justement que c'est des artistes comme Vanessa et qui sont donc à l'intersection de tellement de cultures et notamment la culture queer qu'elle nomme elle-même ainsi, que ça permet véritablement de venir questionner un peu notre rapport culturel à l'amour et inviter peut-être à d'autres créations. Après, pour ma part, n'étant pas une personne très tournée vers le romantisme, j'avoue que c'est pas le sujet qui me touche directement, mais j'apprécie que justement il soit traité pour faire avancer les choses. Ensuite, difficile de parler un peu d'actualité sans parler d'Halloween. Du coup, j'ai essayé de me pencher un peu sur le phénomène d'Halloween qui a l'air de pas mal revenir en soi. Et notamment à ce qu'il peut dire dans le sujet qui m'intéresse moi, c'est-à-dire la manière dont les minorités vivent les oppressions systémiques. Halloween étant à la fois quelque chose de très réapproprié par beaucoup de communautés queer, noroa, etc. Et de... Alors moi, je connais moins si c'est aussi... réapproprié par des minorités racialisées, mais en même temps c'est aussi un phénomène qui a été accaparé par le capitalisme avant ça. Focus et concentre beaucoup de préjugés et de banalisation de tout un tas de violences et de stéréotypes oppressifs. Et à ce titre, je trouvais intéressant de vous lire le post qui a été fait par la page Facebook des Folies Passagères parce que je le trouve hyper juste et hyper important. Donc encore une fois, je pense que je l'avais déjà cité dans plusieurs podcasts, mais je recommande vraiment de suivre cette personne, donc Maud Bergeron. Elle se présente comme faisant des créations visuelles, littéraires, féministes et queer, notamment beaucoup sur la psychophobie, mais pas que. Donc je vous lis son post. Avec l'arrivée de l'Halloween, je repartage ce texte qui m'a valu plus de 10 000 messages haineux et menaces violentes à sa publication initiale en 2017. Espérons que, 5 ans après, on ait un petit peu réussi à se déconstruire. Chaque année, des costumes problématiques et offensants sont portés par plusieurs personnes durant l'Halloween. C'est important de faire attention pour ne pas tomber dans l'appropriation culturelle, le racisme, la psychophobie, la grossophobie, les LGBTQIA+ phobies, le capacitisme, entre autres. Il est nécessaire de s'assurer que le costume ne soit pas basé sur des dynamiques d'oppression, de ridiculisation, de violence ou d'invalidation. Ce n'est pas difficile d'opter pour un costume non oppressif. Il suffit de choisir quelque chose qui ne peut pas être lié à une oppression systémique ou une quelconque situation pouvant créer un inconfort ou être un trigger pour autrui. Les personnes ayant vécu des traumas peuvent les voir automatiquement raviver de manière violente face à un costume trigger. Donc 1. Les différentes cultures, origines, couleurs de peau et religions ne sont pas des déguisements. L'appropriation culturelle doit cesser. Peu importe les intentions, c'est nécessaire de s'informer sur le sujet pour se déconstruire. Se costumer avec des symboles, des tenues ou des accessoires issus de cultures qui ne nous appartiennent pas doivent en tout temps amenuiser une remise en question immédiate. Je dirais juste que de toute façon, aucune culture n'appartient à personne, enfin même les cultures non occidentales ne nous appartiennent pas. Pourquoi est-ce que l'appropriation culturelle est incorrecte ? Parce que les personnes racisées sont victimes de crimes racistes, d'injustices, d'attaques verbales et physiques, d'agressions et de situations horribles au quotidien, justement parce qu'elles sont racisées. Les personnes blanches ne sont pas victimes de ces situations, peu importe qu'elles arborent ces symboles et habits ou non, puisqu'elles sont en situation de privilèges sociaux. C'est un manque de respect et de considération pour l'histoire et le vécu de ces personnes qui sont victimes d'oppression systémique quotidiennement. Exemple de déguisement raciste, personnage réel fictif racisé, Pocahontas, informez-vous sur la réelle histoire et non pas l'appropriation de Disney pour mieux comprendre. Personnage historique problématique, Adolf Hitler. Coiffe et habits de peuple autochtone, lorsqu'on n'est pas une personne autochtone. Blackface, brownface, yellowface. geisha, maquillage associé au jour des morts, référence à la culture mexicaine notamment, tout ce qui est associé au terrorisme, tous les symboles religieux des groupes marginalisés, hijab, bindi, etc. Tous les styles, les vêtements, les coiffures associées à des cultures qui ne sont pas nôtres, dreadlock, grills, etc. 2. Les personnes trans subissent de la transphobie quotidiennement et plusieurs vivent des agressions découlant directement de la haine de leurs identités ainsi que leur apparence. Le problème n'est pas de se déguiser en un personnage qui a un genre différent du sien si le costume n'y est pas du tout lié, mais bien que le genre soit au centre du déguisement. Il s'agit ici de situations durant lesquelles les personnes cisgenres non concernées qui se présentent comme ceci ouvertement dans leur vie utilisent des identités comme costume pour protéger des stéréotypes et de la transphobie. 3. Les orientations sexuelles ne sont pas des déguisements. 4. Les troubles de santé mentale, les capacités physiques et intellectuelles ne sont pas des déguisements. Les diagnostics et les conditions d'autrui ne sont pas des adjectifs, des qualificatifs, des insultes et des costumes. Exemple de costumes psychophobes et capacitistes. Tout ce qui touche les hôpitaux psychiatriques, les hospitalisations et les patienteux. Jaquettes d'hôpital, camisoles de force, etc. Tout ce qui concerne les diagnostics de troubles de santé mentale. Schizophrénie, bipolarité, troubles alimentaires, troubles de personnalité, psychopathie, etc. Tous les diagnostics de maladies physiques. Tout ce qui touche les conditions neurologiques, les capacités physiques et psychologiques, les neuroatypies, personnes autistes, personnes en chaise roulante, etc. 5. Le poids et l'apparence n'est pas quelque chose qui peut servir de costume. Les fat suits sont grossophobes. 6. Tous les costumes en lien avec des inégalités sociales, en lien avec la culture de viol et les stéréotypes de genre sont problématiques. Aussi, tout ce qui concerne des événements traumatiques, attentats, fusillades, agressions. Exemple, personnages historiques ayant commis des crimes violents contre des personnes marginalisées et ou les femmes, costumes basés sur des rôles sexistes dans la société, costumes qui fétichisent et dénigrent des personnes de manière sexuelle, tueurs en série, meurtriers. 7. Il ne faut pas faire preuve de putophobie. Les travailleuses de sexe ne sont pas des costumes. 8. Sinon, il est aussi important de ne pas faire preuve de sexisme et de slut-shaming en jugeant le costume des autres. Le choix de la longueur d'une jupe, de la présence d'un décolleté et de la quantité de peau montrée n'appartient à personne d'autre qu'à la personne elle-même. Il ne faut pas objectifier le corps d'autrui et il faut comprendre que peu importe la tenue et l'habillement d'une personne, rien ne justifie les propos et les actions déplacées. Une jupe courte n'est pas une invitation pour des attouchements et ou des propos sexistes. Chaque personne a le droit de porter les vêtements qu'elle souhaite si ces vêtements n'oppressent pas d'autres personnes. Ne participons pas à la culture du viol. Nous devons tous faire preuve de respect, d'ouverture d'esprit et d'empathie envers toutes les personnes et ne pas choisir des costumes qui sont problématiques. Avec la quantité astronomique et le choix infini de déguisements appropriés qui existent, il n'y a aucune raison qui justifie le fait d'arborer un déguisement problématique en étant informé du fait qu'il est à proscrire. Si le fait de respecter autrui en évitant tout costume oppressif vous semble compliqué, il serait important de prendre conscience du privilège nécessaire pour simplement trouver cela compliqué. On parle ici de problématiques sociales qui nuisent à la survie des personnes marginalisées, d'oppressions vécues quotidiennement. Important. Toute personne tenant des propos oppressifs sera bloquée et les commentaires supprimés pour essayer de conserver cet espace le plus safe possible. Par contre, pour toutes les personnes marginalisées, je vous suggère de ne pas lire les commentaires puisqu'ils pourront être trigger. Sinon, je vous demanderai de ne pas répondre aux commentaires haineux si vous en voyez. Ce texte m'a valu des cyberattaques violentes et je ne veux pas que vous deveniez les potentielles cibles. Merci de faire preuve d'indulgence à mon égard si des commentaires problématiques ne sont pas supprimés à la minute près. Je suis seule à gérer mes réseaux sociaux et je ne peux pas passer l'entièreté de mon temps sur mon téléphone. Je ferai la modération au meilleur de mes capacités. Je trouve ça très complet. Et ce qui m'a amené quand même à me demander, mais du coup, quelle est la place queer? Enfin, à quel moment, parce qu'on voit beaucoup de communautés queer, de références queer, notamment avec le Rocky Horror Picture Show à Halloween. Mais effectivement, moi, de ce dont je me rappelle, ça vient plutôt d'un culte celte. Alors en fait, il y a eu plein de mélanges à la fois anglo-saxons, etc., de différentes célébrations. Puis en plus, le christianisme est venu par-dessus. Donc en fait, il y a plein d'origines différentes d'Halloween qui se sont un peu entremêlées par la suite. Plus les inspirations, enfin les productions culturelles qui ont suivi. Mais j'ai trouvé surtout un article du blog d'Emilie Rosado du 5 novembre 2020 qui là est très pertinent et bien détaillé historiquement sur les racines queer d'Halloween. Enfin, le Halloween en tant que tel, ça vient d'abord du culte celte Samhain, donc je vais l'épeler parce que je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N. Et donc ce culte célébrait le passage de l'été à l'hiver et donc les récoltes qu'on espérait ensuite pouvoir préserver pour jusqu'au printemps. Et on prétendait que le soir donc, du 31 octobre, donc qui ne s'appelait pas le 31 octobre parce qu'ils avaient un autre calendrier, le voile séparant les vivants des morts était si fin qu'il permettait à des esprits de venir visiter les vivanteux. La coutume amenait donc ces populations celtes à se déguiser avec des peaux de bêtes, à faire des sacrifices, et donc c'était une énorme fête aussi, et ça, mais qui visait à demander la protection des divinités pour l'hiver à venir, sachant qu'il y avait énormément de mortalité pendant ces hivers. Comme l'explique Émilie Rosado, les Celtes ont peu écrit à leur propre sujet. Aussi, l'essentiel de ce qu'on trouve concernant vient des peuples qui les ont conquis, tels que les Romains. L'une des caractéristiques de ces peuples celtes mis en avant par la suite était leur liberté sexuelle, donc hommes et femmes pouvant s'engager auprès de partenaires multiples dans des relations, qu'elles soient hétéro ou homosexuelles. L'Église romaine a, comme à son habitude, tenté par la suite de détourner les cultes qu'elle considérait comme hérétiques dans des formes compatibles avec le christianisme. Les peaux de bêtes ont fait place à des costumes de saints et saintes et quelques siècles plus tard, le pape Grégoire III a déplacé le jour de célébration de tous les saints, qui était le 13 mai, au 1er novembre. Et donc, les célébrations du 31 octobre se sont appelées les All Hallows Eve, donc la veille de tous les saints, de la célébration de tous les saints, ou Hallows Hands Evening, pour le soir de sanctification de tous les saints, et qui est devenu sous sa forme plus parlée et contractée Halloween. Émilie Rosado nous explique que bon nombre des autres costumes les plus populaires d'Halloween nous viennent d'Angleterre et des différentes traditions spirituelles qui menaient notamment des personnes pauvres à se rendre de maison en maison pour demander un peu de nourriture et en promettant en échange de prier pour toutes les personnes qui étaient décédées dans les familles des maisons auxquelles elles frappaient. Et cette pratique était encouragée par l'Église parce que ça permettait d'encourager la prière et la se désencharité, etc. Aux États-Unis, donc à l'exception de certaines soirées avec des récits de fantômes dans quelques États du Sud, la communauté protestante fraîchement débarquée d'Europe a interdit la célébration d'Halloween, qui était considérée comme trop morbide, glauque, bizarre, immorale. Donc, et ça a fonctionné jusqu'à l'arrivée massive des Irlandais au milieu du 19e siècle, qui fuyaient la famine de la pomme de terre. Et ces Irlandais qui ont répandu le culte d'Halloween aux États-Unis. Peu à peu, cette fête est devenue de plus en plus prisée par des personnes qui n'étaient pas irlandaises ou descendantes de communautés irlandaises, et notamment par des minorités racialisées et LGBTQIA+, qui trouvaient le moyen d'exprimer d'autres aspects de leur culture ou de leur liberté, leur fluidité de genre, de relations sexuelles, romantiques, etc. Alors là, bien sûr, le puritanisme dominant ne voit pas ça d'un bon œil et va tenter de recadrer l'expression de cette fête autour d'une simple célébration de voisinage, en faisant une sorte de fête de partage de nourriture et de déguisement. Et là, on voit bien donc que recadrer l'expression culturelle du peuple en tentant d'enfermer les propensions les plus émancipatrices et subversives pour en faire un simple divertissement et un énième objet de consommation, ne perturbant pas l'ordre moral et le bon retour à la marche capitaliste par la suite. Donc c'est quelque chose qui se passe en fait pour l'ensemble des mouvements et phénomènes culturels un peu transgressifs, et dont Halloween est un excellent exemple. Mais même dans sa forme capitalisée, Halloween continue d'être un terreau de transgression pour les minorités, où la fluidité de genre devient de plus en plus de mise. Au point qu'une loi va venir interdire le port de 3 articles du genre autre que celui qu'on nous a assigné à la naissance. Et c'était une réalité donc, qui a beaucoup marqué les communautés LGBTQIA+, aux États-Unis, et qui est notamment aussi racontée dans l'incroyable roman Sunbatch Blues de Leslie Feinberg. La police va être très vite dépassée par un phénomène de transgression du coup des normes de genre et va finir par renoncer aux arrestations aux alentours de 1914. Mais la loi date quand même de 1902, je crois. Et donc, pendant toutes ces années, ça a été marqué par les arrestations, les passages à tabac, les disparitions et meurtres des personnes de minorités de genre. Et sachant que dans les minorités de genre, les plus exposées aux arrestations étaient donc les plus précaires, les personnes racisées, les travailleuses du sexe, les butch et les personnes trans. L'époque est aussi marquée par l'importante migration de personnes racisées, notamment à la peau dite black ou brown, il n'y a pas vraiment d'équivalent de traduction de ces termes en français, donc c'est pour ça que je l'ai dit en anglais, qui fuient la pauvreté et l'extrême violence des États du Sud vers les États du Nord. Et vont venir se mêler, donc habiter dans les mêmes quartiers que d'autres personnes précarisées et aussi LGBTQIA+. Et donc c'est là où on a un grand mélange de communautés queer, à l'instar du Harlem Renaissance à New York et des soirées Hamilton Lodge, qui est célèbre pour la culture drag ball et ses cabarets. Dans ces lieux comme le Hamilton Lodge, organiser des compétitions drag les jours d'Halloween ou la veille de Noël, ça permettait aux personnes queer de s'habiller comme elles le souhaitaient en prétextant qu'il s'agissait de costumes conventionnels et de moins risquer ainsi des arrestations ou même des agressions dans la rue. The Purple Scare, la peur violette en anglais, telle que fut appelée l'intense période de persécution des homosexuels dans les années 1950, est à laquelle a suivi la peur rouge de persécution des communistes, ont mis un terme à ces célébrations. Halloween est alors devenu plutôt cette fête pour enfants assez simple, assez lisse et capitaliste. Et ce sont donc à partir des émeutes de Stonewall en 1969 et de tous les mouvements sociaux des minorités, qu'on appelle aussi le mouvement des droits civiques en 1970, donc minorités racialisées et LGBTQIA+, notamment, qui vont se battre pour renverser le pouvoir oppressif et gagner des droits, que les célébrations d'Halloween vont pouvoir réémerger peu à peu. Emily Rosado mentionne le retour de fêtes, notamment au Greenwich Village, avec la Greenwich Village Halloween Parade en 1974, donc une énorme manifestation d'Halloween. Et c'est Emily Rosado, du coup, dans son article, qui explique que nos prides actuelles sont fortement inspirées et influencées par les parades queer d'Halloween qui ont émergé dans les années 80. Donc voilà, et toutes ces infos, je les tiens vraiment de cet article que je vous mets en lien et que je vous recommande. Et je voulais un peu aussi en profiter d'aborder cette question d'Halloween pour questionner sur qu'est-ce que la peur aujourd'hui et à quel point c'est ouf comment, on se renourrit de toutes ces peurs et dans nos petites communautés comme de manière plus mainstream, genre de cette culture du gore, etc. Enfin, et encore une fois, effectivement, tellement de figures de horrifiques, de costumes, etc., sont effectivement des, comme le disait Maud Bergeron, soit en lien avec d'autres cultures, ou des personnes racialisées, ou des personnes psychiatrisées, ou queer, etc., donc de personnes minorisées, et qu'on en rit, et que c'est assez répandu, et qu'après, que par contre, le backlash est terrible dès qu'on pointe les dominantes et qu'on parle en fait véritablement de ces génocides, etc. Et se pose du coup toujours la question de à la fois j'ai l'impression qu'Halloween redevient un peu ce phénomène culturel et un peu une bataille qu'il faut mener pour se réapproprier nos codes et remettre les pendules à l'heure en remontrant qui sont les personnes qu'on tourne dans les dérisions, donc les dominanteux, ou en inventant nos propres univers à côté, etc., sans à notre tour casser du sucre sur d'autres minorités. Et en ne laissant pas les populations dominantes se réapproprier cette fête, c'est déjà un peu fait, mais en tout cas, en continuant de lutter aussi pour reconnaître des cultures qu'on ne veut pas laisser au capitalisme. Et à l'inverse, quelle est la vraie place, où est la véritable horreur et terreur, et continuer justement dans nos luttes à visibiliser que derrière tout ça, il y a des énormes situations de conquête, de massacre, de massacre culturel, d'appropriation, de détournement. Et je pense que c'est un discours critique qu'il faut encore avoir. Alors, je pense que c'est à la fois important de faire la fête dans nos communautés, de fêter à notre façon Halloween, en veillant à respecter l'ensemble des personnes minorisées, mais aussi de ne pas laisser juste le terrain libre aux personnes, aux même médias mainstream, pour que des images continuent de circuler au détriment de nous ou d'autres minorités, parce que c'est ça qui continue à raviver les violences traumatiques, que ça soit effectivement par les systèmes de violence, de meurtres de masse, les appropriations culturelles, que ça nuit gravement à nos santé mentales et que ça entretient surtout les stéréotypes dans l'ensemble des populations dans lesquelles, malgré tout, on est obligé de vivre et que ça a forcément des impacts à court et moyen terme sur nos vies et la vie de nos adelphes et des autres communautés alliées Et donc, je pense qu'il est encore très, très important de replacer, pour faire justement le lien avec mon dernier podcast sur les traumas, les triggers, qu'est-ce qu'on peut déconstruire ou non, justement de replacer qu'est-ce qui est le véritable traumatisme, quel est le véritable danger au-delà du vampire, de la sorcière. Que la sorcière féministe, elle est peut-être plutôt la figure du changement et du bon changement et de la résistance. Là où les véritables tueuses, les véritables vampires, les véritables démons, c'est les personnes du CAC 40, c'est les dirigeanteuses, c'est toutes ces personnes qui bourgeoises, blanches, masculines, dominantes. C'est les systèmes aussi, et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Alors, voilà, moi c'est Max, je vais vous parler un peu du Rocky Horror Picture Show. J'essaie de me souvenir de ce que je voulais en dire. Alors déjà comment j'ai découvert le film. Alors moi, je l'ai découvert pas du tout dans un contexte queer. Hein. C'est des personnes en tout cas qui à l'époque n'étaient pas du tout, ne s'identifiaient pas du tout comme queer, des amis qui connaissaient. Qu'avait le film comme référence culturelle de base, quoi, d'enfance, bizarrement, enfin, voilà. On était un petit groupe de 5-6 potes, et puis, il y en avait une qui connaissait bien, et puis, je crois que c'était la seule qui connaissait, et qui, du coup, nous l'a montré à tous. Après c'était un peu particulier parce que moi c'était aussi à l'époque je pense peut-être pas le premier mais en tout cas l'un des premiers films où je voyais une représentation de personnes queer en fait ou en tout cas que j'identifiais comme LGBT+, et qui s'assumait et tout ça, dans le personnage principal du coup. Ça faisait beaucoup de points de gagner pour le film. Pardon. Et puis, après, j'ai bien aimé le côté assez, qui tourne en dérision, en fait, le petit couple très, enfin, excessivement cis-hétéronormé, qui débarque là-dedans et qui, en fait, se découvre finalement les deux. Se découvrent l'un, une et l'autre des passions bien différentes de leur schéma habituel. Donc ça, je trouve que comme ça, avec le recul, sans le contexte du fait que c'est un film qui date. Hein. S'il sortait aujourd'hui, je trouverais ça juste marrant, un peu rafraîchissant, mais disons que pour l'époque, je trouve que c'est assez fort d'oser en fait, montrer ça à l'écran. Et montrer ce personnage, qui parle du coup dans une musique de du fait qu'il est, je cite, transsexuel. En tout cas, une personne qui arbore les codes de la queerness en termes de fluidité du genre, d'orientation sexuelle. Je trouve que c'est assez intéressant et assez, assez fort pour l'époque. Du coup, c'est à fond aussi dans un certain nombre de clichés, on va dire, ce que j'aurais peut-être entre guillemets à redire aujourd'hui, même si j'aime pas trop redire des trucs sur les choses que je trouve... dans l'ensemble assez, assez chouette, mais bon, Disons que oui, du coup, c'est très centré, enfin, ça tourne beaucoup autour de du sexe, de la sexualisation, tout ça, forcément, enfin, forcément, pas forcément, mais le fait est que c'est le cas dans ce film. Et que voilà, dans ce sens-là, c'est aussi assez caricatural. Et of course, si on prend le personnage principal comme une représentation de la transidentité, bah alors c'est une représentation de la transidentité caricaturale aussi, hein. Barési, talons hauts, très maquillé, très voilà, c'est tout beaucoup dans l'excès. Mais en même temps, le film est un excès, enfin, c'est un peu le principe. Voilà, comédie musicale très colorée, très ouais, très excessif, quoi. Voilà. Et moi, le truc pour faire le lien du coup avec voilà Halloween et le fait que ce film est bien sûr, enfin aussi une comédie autour de la dérision du film d'horreur, hein. Voilà, les jeunes gens qui se retrouvent coincés dans une voiture en panne au milieu de la forêt, dans la nuit, sous la pluie, et puis qui tombent sur ce château, et puis le docteur fou dans le château, enfin fou, voilà. Oui, autre truc qui serait à redire sur le film aussi, hein, c'est bon, enfin, là je me mets un peu dans la peau de si je voulais pinailler, voilà, qu'est-ce que je dirais? C'est oui, bon, effectivement, on peut aussi être gêné peut-être par le lien qui est fait entre voilà, le méchant, entre guillemets, enfin, pas vraiment le méchant, puisque le film est axé sur l'humour et la dérision, mais qui est en tout cas qui est un peu le docteur, ouais, le docteur Frankenstein, le docteur un peu, bah voilà, je l'ai dit malgré moi, quoi, un peu entre guillemets fou de l'histoire. C'est aussi le principal personnage queer de l'histoire. Bon, on peut être emmerdé un peu par ce lien-là. Bon, moi, je décide un peu de ne pas l'interpréter comme ça, mais c'est personnel. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, il y a cette idée quand même de film, de trame, de classique au classique, d'horreur qui est reprise et ensuite qui devient autre chose, quoi. Et c'est... Et pour moi, c'est intéressant parce que, ben, ouais, c'est un freak show, en fait. Et les monstres sortent à Halloween. Et en tant que personne queer, toute notre vie, on est... Enfin, les insultes, les remarques qui reviennent le plus souvent et qui ont été reprises... aussi comme des mots et des symboles empouvoirants pour les personnes queer, c'est le terme de choses, de monstres, de freaks, de voilà, c'est ce qu'on est aux yeux de beaucoup de personnes normées, cisnormées, hétéronormées, et c'est ce qui aussi bah voilà pousse les personnes queer, les personnes queer, donc les personnes bizarres, hein, littéralement, et c'est ça qu'on se réapproprie et c'est ça qu'on revendique pour beaucoup d'entre nous. Et le lien avec, pour moi, du coup, avec l'horreur, avec Halloween, est direct, quoi. S'il y a bien une fête qui serait pour nous, une fête où c'est le reste du monde qui devrait se sentir à côté de la plaque, bah c'est bien Halloween, quoi. Voilà. Et c'est pas forcément un lien auquel, personnellement, j'ai beaucoup plus pensé que ça, mais que j'ai ressenti, j'ai l'impression, de manière presque inconsciente, assez tôt, avec voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack, le Rocky Horror Picture Show, même des films d'horreur où, du coup, il y a une représentation, d'ailleurs parfois très transphobe, de justement la personne désaxée, entre guillemets, la personne qui va être le monstre dans le film d'horreur, comme de par hasard, c'est la personne gay, j'entends au sens large du terme, hein, gay, lesbienne, bi, queer. ou la personne trans, ou voilà, qui va être la personne qui, à la fin, en fait, assassine tout le monde ou quoi. Voilà, c'est très dérangeant, bien sûr. C'est hyper queerphobe. Et en même temps, ça montre bien aussi ce lien, justement, qui est fait dans la tête de la norme, mais que, dont moi, j'ai envie, du coup, en tout cas, d'être fier. Voilà, c'est ce lien qui est fait entre « on ne comprend pas » et « c'est monstrueux ». Voilà, et c'est ce même lien qui fait, je pense, avoir peur finalement, de la plupart des figures d'Halloween qui sont, pas toutes, mais pour beaucoup, au final, des identités ou des situations de handicap ou des particularités physiques de personnes qui sont détournées en choses soi-disant terrifiantes, tout simplement parce que pas comprises. Voilà. Parce que rejeté parce que les gens veulent pas comprendre surtout, mais enfin voilà. Donc pour moi, je pense que plus ça va et plus bah en conclusion, franchement, j'ai envie de dire fait-on Halloween et c'est assez cool et c'est un très bon concept pour moi qui devrait nous appartenir plus qu'à, je pense, n'importe qui d'autre en tant que minorité, en fait, en tant que personne minorisée en général. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new commander. You now are my prisoner. They're probably foreigners with ways different than our own. The cast is completely crazy. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. There's a mad scientist named Frank N. Furter. Come up to the lab and see what's on the slab. This is my fiancée, Janet Weiss. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Et pour finir, sans rapport direct, mais parce que c'était sur Arte et que je crois que ça l'est toujours, je vous conseille une mini-série qui s'appelle Pure sur Arte. Donc très bien réalisé, qui est d'un point de vue interne d'une personne, Marnie, en Angleterre, qui a des pensées invasives sexuelles tout le temps. Et donc ça fucked up complètement son rapport à elle-même, à ses désirs, à son identité, etc. Donc elle découvre très vite qu'il s'agit d'un TOC, donc Obsessive Compulsory Disorder en anglais. Et c'est super important, je trouve, d'aborder ça, et on voit vraiment son évolution, différents rapports aux autres, ses questions vis-à-vis des substances, etc. Et que c'est une partie des TOC qui est très peu connue, que ça peut être aussi genre des pensées invasives. Et étant concernée moi-même par les TOC, j'avoue repousser à me replonger là-dedans, parce que moi-même j'ai du mal à comprendre les miens, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a une pathologie derrière, est-ce que c'est juste neurologique, psychophysiologique, parce que j'aime bien tout comprendre, à quel point mes TOC et mes TIC, parce que je crois vraiment que j'ai les deux, s'influencent ou pas, est-ce que mon trouble anxieux influence là-dessus. Et du coup, ça m'a un peu poussée à reprendre mes recherches là-dessus et à voir qu'effectivement il y avait une classification hyper large de ça, et que... Et je sais pas, genre le fait d'entendre le nom en anglais, il me fait moins peur. J'ai moins peur de dire dans un micro aujourd'hui que j'ai des TOC, parce que je trouve qu'en français, justement, il y a tellement de stéréotypes derrière ce mot. Enfin, rien que le mot TOC, genre les personnes toquées. Enfin, il y a tellement de jeux de mots, de TikTok, enfin tout ça, fait avec ce terme-là et qui en rend, quelqu'un de TOC-TOC, enfin... tellement psychophobe que vraiment j'ai depuis toujours une énorme honte. Enfin, j'en ai jamais parlé en fait à des personnes proches. J'arrive pas encore à dire les miens parce qu'en fait c'est des troubles très très invasifs, mais que je masque énormément. mais je pense que les personnes qui cohabitent un peu avec moi les voient. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que du coup, j'en ai jamais parlé, mais je me doute que ça se voit. Et ça s'entend. Et en fait, bah, ça m'a poussée à aller me renseigner. Il y a aussi un épisode des Garde-Fous qui en parle, et un autre épisode qui parle aussi du syndrome de la Tourette, qui est très lié, et qui, pareil, n'est pas que... une histoire de gros mots. Ce sont des pensées obsessionnelles et voilà. Et apparemment, bah, ça peut soigner, et pas que par thérapie cognitive et comportementale, aussi par certains médicaments. Apparemment, il y a un service spécialisé à Lyon. Et donc voilà, je vais continuer à chercher là-dessus. Et de toute façon, je pense que j'en parlerai dans le dernier volet personnel de ma série sur neuroatypie et militantisme, parce que j'y suis assez attachée, parce que je vais parler de manière beaucoup plus intime de mes propres troubles. Et peut-être que d'ici là, du coup, j'aurai un peu avancé dans dans mes propres recherches sur les TOC et sur mon rapport au TOC. Hi, I'm Marnie. Welcome to the mystery that is my life. When I was 14, I started having relentless thoughts about sex. It's like the sixth sense, but I don't see dead people. I see naked ones. Most people move to London to seek their fortune. Welcome to London, mate! I'll settle for some answers. Shut up! That's meant to be a heart. Aw. Why are you doing this? This is what's in my head, and I need to know what it means. If you don't want to talk, I'm here. Something is wrong with me! OCD is a recognized condition that people get help for. Help. I'm cured. Really? No, I've got to come back. Re, je fais des petits ajouts car je suis allée voir aussi l'exposition de Nikit Sinfal à Toulouse. Donc il ramène énormément de monde, il y a énormément de queues parce que c'est la première, je crois, en France rétrospective de ses 20 dernières années de vie. Donc plutôt sur les années 70-80, je crois. Alors à la fois, c'est bah, important qu'une artiste féministe qui a été dans autant de combats, que ce soit bah, contre le VIH-Sida, pour l'avortement, contre les armes, enfin plein de choses de manière générale. Aussi en soutien au mouvement pour les droits des personnes noires, etc. C'est très important du coup que son travail soit... mis en avant, et c'est des choses qui touchent, qui sont... Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup toutes les couleurs, les objets qui ouvrent vraiment comme un autre imaginaire. Son jardin du tarot aussi, avec du coup des arcanes qu'elle s'est réinventées, différentes figures, en gros, comme si elle vivait... Enfin, comme si elle tournait la vie comme un conte un peu spécial, genre un univers vraiment à elle. Et je trouve qu'il se dégage beaucoup, beaucoup de choses de ses œuvres. Après, il y a aussi des œuvres écrites qui sont imprimées et affichées. Bref, il y a aussi des robes dans lesquelles elle a été mannequin, des bijoux, le parfum qu'elle a fait pour pouvoir financer la construction gigantesque de son jardin de tarot. Et c'est assez impressionnant, du coup, de voir voilà, aussi un exemple d'une personne qui a réussi à trouver un moyen de financer elle-même ses œuvres d'art, sachant qu'elle voulait que ses œuvres soient le plus accessibles possible. Elle faisait beaucoup d'œuvres dans l'espace public. Après, justement, se pose la question déjà, du coup, de mettre toutes ses œuvres dans un musée normalement payant, enfin, même s'il y a des tarifs. Moi, avec le RSA, j'ai pu y aller gratuitement, mais bon, il faut le savoir et tout. Ça reste quand même un endroit socialement connoté, enfin... socialement enfermant ou accueillant genre une certaine partie de la population. Et puis surtout, du coup, c'est présenté un peu comme une personne qui voilà, s'est formée elle-même parce qu'elle n'a pas eu de formation d'art, etc. Et qui s'est un peu pris de tous les combats, mais du coup, on ne questionne pas non plus sa position. Elle vient quand même d'une petite noblesse. Elle s'est notamment quand même beaucoup inspirée, voire carrément réappropriée, bah par exemple les totems de peuples amérindiens, ou même des figures des droits, des mouvements pour les personnes noires, notamment aux États-Unis, etc. Et il y a des citations d'elle dans le musée qui dit que genre voilà, elle considère que toutes ces personnes sont en elle, enfin elle se reconnaît dans ses cultures, alors qu'elle reste une personne blanche. Ouais, c'est encore une fois, bon, ça surprend pas, mais Il n'y a pas d'interrogation et de recontextualisation de ça dans le musée, bah parce que ça reste aussi un truc de blanc. Et voilà, du coup, je voulais en dire un mot et rappeler ça, rappeler toutes les appropriations qui sont faites et que oui, bah, c'est chouette l'œuvre de Nikita Saint-Phal, mais ça reste très blanc, quoi. Comme, et je trouve que c'est un bon exemple des dynamiques institutionnelles qu'on a, ou même quand on a l'impression que voilà, là, l'expo, c'est, j'en parle parce que justement, tout le monde en parle autour de Toulouse, mais pas que. Et que je pense qu'il ramène énormément de monde, et on peut se dire, ah bah voilà, les musées deviennent féministes, etc. Bon, et la définition de féministe resterait en mode égalité femmes-hommes dans le musée. La médiation est intéressante, mais on reste dans un truc très institutionnel et très blanc dominant, universaliste, quoi. Voilà. Et sinon, je voulais aussi vous recommander, pour rigoler un peu, le sur Netflix, si vous avez Netflix, le spectacle de Panayotis, qui était quotidien et le petit journal. Et pour le coup, bah, je trouve qu'il se crée vraiment un univers. Enfin, il a une poésie assez particulière, genre, j'aime beaucoup son humour, j'ai vraiment énormément ri et je pense que je suis un peu difficile en termes de stand-up parfois. Voilà, je suis pas quelqu'un de fun, on va dire. Mais et puis bah voilà, je crois qu'il se définit comme mec cis blanc, et en fait il aborde pas justement ces sujets là de plein fouet, mais en fait justement ça fait pas comme si ça n'existait pas, et je trouve qu'il parle de bah, son rapport à la masculinité sous un autre angle, et qu'il donne à voir autre chose, et que c'est quelque chose sur lequel genre beaucoup de personnes peuvent s'identifier. On se demande toujours aussi comment on peut bah, en tant que personnes qui sont dans des positions dominantes, être peut-être des alliés un peu moins dégueux. Bon, bien sûr, il faudrait laisser un peu plus de place. Mais aussi, on peut créer des choses en parlant de notre point de vue et en parlant aussi aux personnes qui s'identifient à nous, en apportant d'autres regards et en déconstruisant aussi un peu nos expériences, nos privilèges, etc. avec humour. Là, je vais pas l'analyser dans les détails, mais je trouvais qu'il avait trouvé un registre assez chouette où pour moi, bah, c'était ok de regarder ça. Je trouvais ça parlant, je me disais pas... Encore un mec cis qui parle que de trucs de mec cis, pas du tout. Et en même temps, il parlait pas à notre place, il se positionnait pas en tant que féministe ou quoi que ce soit. Enfin, il se réappropriait pas la parole de personnes non concernées. Donc je trouve ça intéressant. Et pour cette semaine, n'oubliez pas de venir à l'événement de Ancre, la table ronde, enfin dans la limite des places disponibles, sur l'accès aux soins des personnes trans, qui sera de 14h à 16h à la Halle des Chartrons, qu'on organise du coup avec l'association Ancre, qui est une association pareille pour les personnes trans. Et il y a aussi plein de choses qui vont arriver bientôt, tout un événement sur l'adoption transraciale avec FACAP. Je pense qu'on reviendra là-dessus, j'aurai des enregistrements. Mais donc que des chouettes choses à suivre, grosso modo. Voilà, et surtout, bah, du coup, encore une fois, si vous avez d'autres suggestions de production artistique, culturelle, en lien avec différents sujets que j'ai évoqués ou autres, et des témoignages par rapport à des choses que j'ai dit, mais vraiment s'il vous plaît, écrivez-moi, j'attends que ça de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Si vous voulez faire des interviews, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Instagram et par mail à abralecor@riseup.net, parce que c'est encore le nom du podcast tel qu'il était au début. Et voilà, et je vais relancer la cagnotte pour soutenir mon travail. Il me prend un temps énorme et pour lequel je ne gagne aucun sou, et ça commence à être très compliqué. Et par ailleurs, ça y est, grâce à la clé des ondes, je suis sur 4 plateformes en libre accès. Je sais que c'était un peu galère pour me trouver sur PodCloud, donc maintenant je suis en plus la clé des ondes et PodCloud sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Donc n'hésitez pas à laisser des étoiles pour que je sois référencée, ou des cœurs, ou vous abonner, enfin ça dépend un peu des plateformes. Et peut-être qu'un jour comme ça je pourrais toucher des droits d'autrice. Et puis bah, je vous souhaite un happy Halloween, à très vite pour de nouvelles révoltes et célébrations, parce qu'on aime les deux. Ciao. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pourquoi?